Section 38, troisième partie, livre 12e, suite. Presque tous les jours, lorsque je sors par la porte angélique, je vois une chétive maison assez près du Tibre, avec une enseigne française enfumée représentant un ours. C'est là que Michel, seigneur de Montaigne, débarqua en arrivant à Rome, non loin de l'hôpital qui servit d'asile à ce pauvre fou, homme formé à l'antique et pure poésie, que Montaigne avait visité dans sa loge, à Ferrare, qui lui avait causé encore plus de dépit que de compassion. Ce fut un événement mémorable lorsque le XVIIe siècle députa son plus grand poète protestant et son plus sérieux génie pour visiter en 1638 la grande Rome catholique. Adossée à la croix, tenant dans ses mains les deux testaments, ayant derrière elle les générations coupables sorties d'Éden et devant elle les générations rachetées descendues du jardin des Olives, elle disait à l'hérétique né d'hier « Que veux-tu à ta vieille mère ?» Léonora, la romaine, enchanta Milton. A-t-on jamais remarqué que Léonora se retrouve dans les mémoires de Madame de Motteville au concert du cardinal Mazarin ? L'ordre des dates amène l'abbé Arnaud à Rome, après Milton. Cet abbé, qui avait porté les armes, raconte une anecdote curieuse par le nom d'un des personnages, en même temps qu'elle fait revoir les mœurs des courtisanes. Le héros de la fable, le duc de Guise, petit-fils du Balafré, allant en quête de son aventure de Naples, passa par Rome en 1647. Il y connut la Nina Barcarola, Maison-Blanche, secrétaire de M. Dehaye, ambassadeur à Constantinople, s'avisa de vouloir être le rival du duc de Guise. Mal lui en prit. On substitua, c'était la nuit dans une chambre sans lumière, une hideuse vieille, à Nina. Si l'hérie fut grand d'un côté, la confusion le fut de l'autre autant qu'on se le peut imaginer, dit Arnaud. L'Adonis, s'étant démêlé avec peine des embrassements de sa déesse, s'enfuit tout nu de cette maison comme s'il eut le diable à ses trousses. Le cardinal de Retz n'apprend rien sur les mœurs romaines. J'aime mieux le petit Coulanges et ses deux voyages de 1656 et 1689. Il célèbre ses vignes et ses jardins dont les noms seuls ont un charme. Dans la promenade à la Porta Pia, je retrouve presque toutes les personnes nommées par Coulanges. Les personnes, non, leurs petits-fils et petites-filles. Madame de Sévigné reçoit les vers de Coulanges. Elle lui répond du château des Rochers dans ma pauvre Bretagne, à 10 lieues de Combourg. Quelle triste date auprès de la vôtre, mon aimable cousin. Elle convient à une solitaire comme moi, et celle de Rome à celui dont l'étoile est errante. Que la fortune vous a traité doucement, comme vous dites, quoiqu'elle vous ait fait querelle. Entre le premier voyage de Coulanges à Rome en 1656 et son second voyage en 1689, il s'était écoulé 33 ans. Je n'en compte que 25 de perdus depuis mon premier voyage à Rome en 1803 et mon second voyage en 1828. Si j'avais connu Madame de Sévigné, je l'aurais guérie du chagrin de vieillir. Spon, Misson, Dumont, Addison, suivent successivement Coulanges, Spon avec Veller, son compagnon, m'ont guidé sur les débris d'Athènes. Il est curieux de lire dans Dumont comment les chefs-d'œuvre que nous admirons étaient disposés à l'époque de son voyage en 1690. On voyait au Belvédère les fleuves du Nil et du Tibre, l'Antinous, la Cléopâtre, le Laocoon et le torse supposé d'Hercule. Dumont place dans le jardin du Vatican les pans de bronze qui étaient sur le tombeau de Scipion l'Africain. Addison voyage en scholar. Sa course se résume en citations classiques, empreintes de souvenirs anglais. En passant à Paris, il avait offert ses poésies à M. Boileau. Le père là-bas suit l'auteur de Caton. C'est un singulier homme que ce moine parisien de l'ordre des frères prêcheurs. Missionnaire aux Antilles, flibustier, habile mathématicien, architecte et militaire, brave artilleur pointant le canon comme un grenadier, critique savant, ayant remis les Diepoints en possession de leurs découvertes primitives en Afrique, il avait l'esprit enclin à la raillerie et le caractère à la liberté. Je ne sache aucun voyageur qui donne des notions plus exactes et plus claires sur le gouvernement pontifical. Là-bas court les rues, va aux processions, se mêle de tout et se moque à peu près de tout. Le frère prêcheur raconte qu'on lui a donné chez les Capucins à Cadix des draps de lit tout neufs depuis 10 ans et qu'il a vu un Saint-Joseph habillé à l'espagnol, épée au côté, chapeau sous le bras, cheveux poudrés et lunettes sur le nez. À Rome, il assiste à une messe. « Jamais, dit-il, je n'ai vu tant de musiciens mutilés ensemble et une symphonie si nombreuse. » Les connaisseurs disaient qu'il n'y avait rien de si beau. Je disais la même chose pour faire croire que je m'y connaissais, mais si je n'avais pas eu l'honneur d'être du cortège de l'officiant, j'aurais quitté la cérémonie qui dura au moins 3 bonnes heures, qui m'en parurent bien 6. Plus je descends vers le temps où j'écris, plus les usages de Rome deviennent semblables aux usages d'aujourd'hui. Du temps de Dobros, les Romaines portaient de faux cheveux. La coutume venait de loin. Properce demande à sa vie pourquoi elle se plaît à orner ses cheveux. Quid juvat ornato procedere, vita capilio. Les Gauloises, nos mères, fournissaient la chevelure des Séverines, des Pisca, des Faustines, des Sabines. Véléda dit à Eudore, en parlant de ses cheveux, « C'est mon diadème, et je l'ai gardé pour toi. » Une chevelure n'était pas la plus grande conquête des Romains, mais elle en était une des plus durables. On retire souvent des tombeaux de femmes cette parure entière qui a résisté aux ciseaux des filles de la nuit, et l'on cherche en vain le front élégant qu'elle couronna. Les tresses parfumées, objets de l'idolâtrie de la plus volage des passions, ont survécu à des empires. La mort qui brise toutes les chaînes n'a pu rompre ce réseau. Aujourd'hui, les Italiennes portent leurs propres cheveux que les femmes du peuple nattent avec une grâce coquette. Le magistrat voyageur Dobros a, dans ses portraits et dans ses écrits, un faux air de Voltaire avec lequel il eut une dispute comique à propos d'un chant. Dobros causa plusieurs fois au bord du lit d'une princesse bourgaise. En 1803, j'ai vu dans le palais Borghese une autre princesse qui brillait de tout l'éclat de la gloire de son frère. Pauline Bonaparte n'est plus. Si elle eût vécu au jour de Raphaël, il l'aurait représentée sous la forme d'un de ses amours qui s'appuie sur le dos des lions à la Farnésine, et la même langueur eût emporté le peintre et le modèle. Que de fleurs ont déjà passé dans ces steppes où j'ai fait errer Jérôme, Augustin, Eudore et Cymodocée. Dobros représente les Anglais à la place d'Espagne, à peu près comme nous les voyons aujourd'hui, vivant ensemble, faisant grand bruit, regardant les pauvres humains du haut en bas et s'en retournant dans leur taudis rougeâtre à Londres sans avoir jeté à peine un coup d'œil sur le Colisée. Dobros obtint l'honneur de faire sa cour à Jacques III. Des deux fils du prétendant, dit-il, l'aîné est âgé d'environ 20 ans, l'autre de 15. J'entends dire à ceux qui les connaissent à fond que l'aîné vaut beaucoup mieux et qu'il est plus chéri dans son intérieur, qu'il a de la bonté de cœur et un grand courage, qu'il sent vivement sa situation, et que, s'il n'en sort pas un jour, ce ne sera pas faute d'intrépidité. On m'a raconté qu'ayant été mené tout jeune au siège de Gaète, lors de la conquête du royaume de Naples par les Espagnols, dans la traversée son chapeau vint à tomber à la mer. On voulut le ramasser. « Non, dit-il, ce n'est pas la peine. Il faudra bien que j'aille le chercher un jour moi-même. » Dobros croit que si le prince de Galles tente quelque chose, il ne réussira pas, et il en donne les raisons. Revenu à Rome, après ses vaillantes apertises, Charles-Édouard, qui portait le nom de comte d'Albany, perdit son père. Il épousa la princesse de Stolberg-Goedern et s'établit en Toscane. Est-il vrai qu'il visita secrètement Londres en 1753 et 1761, comme Hume le raconte, qu'il assista au couronnement de Georges III, et qu'il dit à quelqu'un qu'il avait reconnu dans la foule « L'homme qui est l'objet de toute cette pompe est celui que j'envie le moins. » L'union du prétendant ne fut pas heureuse. La comtesse d'Albany se sépara de lui et fixa son séjour à Rome. Ce fut là qu'un autre voyageur, Bonstetten, la rencontra. Le gentilhomme bernois, dans sa vieillesse, me faisait entendre à Genève qu'il avait des lettres de la première jeunesse de la comtesse d'Albany. Alfieri vit à Florence la femme du prétendant, et il l'aima pour la vie. 12 ans après, dit-il, au moment où j'écris toutes ces pauvretés, à cet âge déplorable où il n'y a plus d'illusion, je sens que je l'aime tous les jours davantage, à mesure que le temps détruit le seul charme qu'elle ne doit pas à elle-même, l'éclat de sa passagère beauté. Mon cœur s'élève, devient meilleur et s'adoucit par elle, et j'oserais dire la même chose du sien que je soutiens et fortifie. J'ai connu Madame d'Albany à Florence. L'âge avait apparemment produit chez elle un effet opposé à celui qu'il produit ordinairement. Le temps ennoblit le visage et quand il est de race antique, il imprime quelque chose de sa race sur le front qu'il a marqué. La comtesse d'Albany, d'une taille épaisse, d'un visage sans expression, avait l'air commun. Si les femmes des tableaux de Rubens vieillissaient, elles ressembleraient à Madame d'Albany à l'âge où je l'ai rencontrée. Je suis fâché que ce cœur, fortifié et soutenu par Alfieri, ait eu besoin d'un autre appui. Je rappellerai ici un passage de ma lettre sur Rome à M. de Fontane. Savez-vous que je n'ai vu qu'une seule fois le comte Alfieri dans ma vie, et devineriez-vous comment ? Je l'ai vu mettre dans sa bière. On me dit qu'il n'était presque pas changé. Sa physionomie me parut noble et grave. La mort y ajoutait sans doute une nouvelle sévérité. Le cercueil étant un peu trop court, on inclina la tête du mort sur sa poitrine, ce qui lui fit faire un mouvement formidable. Rien n'est triste comme de relire vers la fin de ses jours ce que l'on a écrit dans sa jeunesse. Tout ce qui était au présent se trouve au passé. J'aperçus un moment en 1803 à Rome le cardinal d'York, cet Henri IX, dernier des Stuarts, âgé de 79 ans. Il avait eu la faiblesse d'accepter une pension de Georges III. La veuve de Charles Ier en avait en vain sollicité une de Cromwell. Ainsi, la race des Stuarts a mis 119 ans à s'éteindre après avoir perdu le trône qu'elle n'a jamais retrouvé. Trois prétendants se sont transmis dans l'exil l'ombre d'une couronne. Ils avaient de l'intelligence et du courage. Que leur a-t-il manqué ? La main de Dieu. Au surplus, les Stuarts se consolèrent à la vue de Rome. Il n'était qu'un léger accident de plus dans ces vastes décombres, une petite colonne brisée, élevée au milieu d'une grande voirie de ruines. Leur race, en disparaissant du monde, eut encore cet autre réconfort. Elle vit tomber la vieille Europe. La fatalité attachée aux Stuarts entraîna avec eux dans la poussière les autres rois, parmi lesquels se trouvait Louis XVI, dont l'aïeul avait refusé un asile aux descendants de Charles Ier. Et Charles X est mort dans l'exil, à l'âge du cardinal d'York, et son fils et son petit-fils sont errants sur la terre. Le voyage de Lalande en Italie, en 1765 et 1766, est encore ce qu'il y a de mieux et de plus exact sur la Rome des arts et sur la Rome antique. « J'aime à lire les historiens et les poètes, dit-il, mais on ne saurait les lire avec plus de plaisir qu'en foulant la terre qui les portait, en se promenant sur les collines qu'ils décrivent, en voyant couler les fleuves qu'ils ont chantés. Ce n'est pas trop mal pour un astronome qui mangeait des araignées. » Duclos, à peu près aussi décharné que Lalande, fait cette remarque fine. Les pièces de théâtre des différents peuples sont une image assez vraie de leurs mœurs. L'arlequin, valet et personnage principal des comédies italiennes, est toujours représenté avec un grand désir de manger, et qui part d'un besoin habituel. Nos valets de comédie sont communément ivrognes, ce qui peut supposer crapule, mais non pas misère. L'admiration déclamatoire de Dupaty n'offre pas de compensation pour l'aridité de Duclos et de Lalande, elle fait pourtant sentir la présence de Rome. On s'aperçoit par un reflet que l'éloquence du style descriptif est née sous le souffle de Rousseau, Spira culum vitae. Dupaty touche à cette nouvelle école qui bientôt allait substituer le sentimental, l'obscur et le maniéré, au vrai, à la clarté et au naturel de Voltaire. Cependant, à travers son jargon affecté, Dupaty observe avec justesse. Il explique la patience du peuple de Rome par la vieillesse de ses souverains successifs. Un pape, dit-il, est toujours pour lui un roi qui se meurt. À la Villa Borghese, Dupaty voit approcher la nuit. Il ne reste qu'un rayon du jour qui meurt sur le front d'une Vénus. Les poètes de maintenant diraient-ils mieux ? Il prend congé de Tivoli. Adieu, Vallon. Je suis un étranger. Je n'habite point votre belle Italie, je ne vous reverrai jamais. Mais peut-être mes enfants ou quelques-uns de mes enfants viendront vous visiter un jour. Soyez-leur aussi charmant que vous l'avez été à leur père. Quelques-uns des enfants, de l'érudit et du poète, ont visité Rome, et ils auraient pu voir le dernier rayon du jour mourir sur le front de la Vénus Génitrix de Dupaty. À peine Dupaty avait quitté l'Italie que Goethe vint le remplacer. Le président au Parlement de Bordeaux entendit-il jamais parler de Goethe ? Et néanmoins le nom de Goethe vit sur cette terre où celui de Dupaty s'est évanoui. Ce n'est pas que j'aime le puissant génie de l'Allemagne, j'ai peu de sympathie pour le poète de la matière. Je sens Schiller, j'entends Goethe. Qu'il y ait de grandes beautés dans l'enthousiasme que Goethe éprouve à Rome pour Jupiter, d'excellents critiques le jugent ainsi, mais je préfère le dieu de la croix au dieu de l'Olympe. Je cherche en vain l'auteur de Werther le long des rives du Tibre. Je ne le retrouve que dans cette phrase. Ma vie actuelle est comme un rêve de jeunesse. Nous verrons si je suis destiné à le goûter ou à reconnaître que celui-ci est vain comme tant d'autres l'ont été. Quand l'aigle de Napoléon laissa Rome échapper de ses serres, elle retomba dans le sein de ses paisibles pasteurs. Alors Byron parut au mur croulant des Césars. Il jeta son imagination désolée sur tant de ruines comme un manteau de deuil. Rome, tu avais un nom, il t'en donna un autre, ce nom te restera. Il t'appela la Niobé des nations, privée de ses enfants et de ses couronnes, sans voix pour dire ses infortunes, portant dans ses mains une urne vide dont la poussière est depuis longtemps dispersée. Note le pèlerinage de Childarold, chant 4, stance 79. Après ce dernier orage de poésie, Byron ne tarda pas de mourir. J'aurais pu voir Byron à Genève, et je ne l'ai point vu. J'aurais pu voir Goethe à Weimar, et je ne l'ai point vu. Mais j'ai vu tomber Madame de Staël qui, dédaignant de vivre au-delà de sa jeunesse, passa rapidement au Capitole avec Corinne, noms impérissables, illustres cendres qui se sont associées au nom et aux cendres de la ville éternelle. Ainsi ont marché les changements de mœurs et de personnages, de siècle en siècle, en Italie. Mais la grande transformation a surtout été opérée par notre double occupation de Rome. La République romaine, établie sous l'influence du Directoire, si ridicule qu'elle ait été, avec ses deux consuls et ses licteurs, méchants facchini pris parmi la populace, n'a pas laissé que d'innover heureusement dans les lois civiles. C'est des préfectures, imaginées par cette République romaine, que Bonaparte a emprunté l'institution de ses préfets. Nous avons porté à Rome le germe d'une administration qui n'existait pas. Rome, devenue le chef-lieu du département du Tibre, fut supérieurement réglée. Le système hypothécaire lui vient de nous. La suppression des couvents, la vente des biens ecclésiastiques sanctionnés par Pie VI, ont affaibli la foi dans la permanence de la consécration des choses religieuses. Ce fameux index, qui fait encore un peu de bruit de ce côté-ci des Alpes, n'en fait aucun à Rome. Pour quelques bacciocchi, on obtient la permission de lire en sûreté de conscience l'ouvrage défendu. L'index est au nombre de ces usages qui restent comme des témoins des anciens temps au milieu des temps nouveaux. Dans les républiques de Rome et d'Athènes, les titres de roi, les noms de grandes familles tenant à la monarchie, n'étaient-ils pas respectueusement conservés? Il n'y a que les Français qui se fâchent sottement contre leurs tombeaux et leurs annales, qui abattent les croix, dévastent les églises, en rancune du clergé de l'an de grâce 1000 ou 1100. Rien de plus puéril ou de plus bête que ces outrages de réminiscence. Rien qui porterait davantage à croire que nous ne sommes capables de quoi que ce soit de sérieux, que les vrais principes de la liberté nous demeureront à jamais inconnus. Loin de mépriser le passé, nous devrions, comme le font tous les peuples, le traiter en vieillard vénérable qui raconte à nos foyers ce qu'il a vu. Quel mal nous peut-il faire? Il nous instruit et nous amuse par ses récits, ses idées, son langage, ses manières, ses habits d'autrefois. Mais il est sans force, et ses mains sont débiles et tremblantes. Aurions-nous peur de ce contemporain de nos pères qui serait déjà avec eux dans la tombe s'il pouvait mourir, et qui n'a d'autorité que celle de leur poussière? Les Français, en traversant Rome, y ont laissé leurs principes. C'est ce qui arrive toujours quand la conquête est accomplie par un peuple plus avancé en civilisation que le peuple qui subit cette conquête. Témoins les Grecs en Asie sous Alexandre, témoins les Français en Europe sous Napoléon. Bonaparte, en enlevant les fils à leur mère, en forçant la noblesse italienne à quitter ses palais et à porter les armes, hâtait la transformation de l'esprit national. Quant à la physionomie de la société romaine, les jours de concert et de bal, on pourrait se croire à Paris. L'Altieri, la Palestrina, la Zagarola, la Del Drago, la Lante, la Lozzano, etc., ne seraient pas étrangères dans les salons du Faubourg Saint-Germain. Pourtant, quelques-unes de ces femmes ont un certain air effrayé qui, je crois, est du climat. La charmante Falconieri, par exemple, se tient toujours auprès d'une porte, prête à s'enfuir sur le mont Marius si on la regarde. La Villa Mellini est à elle, un roman placé dans ce casin abandonné sous des cyprès à la vue de la mer aurait son prix. Mais quels que soient les changements de mœurs et de personnages de siècle en siècle en Italie, on y remarque une habitude de grandeur dont nous autres mesquins barbares n'approchons pas. Il reste encore à Rome du sang romain et des traditions des maîtres du monde. Lorsqu'on voit des étrangers entassés dans de petites maisons nouvelles à la porte du peuple, ou gîtés dans des palais qu'ils ont divisés en cases et percés de cheminées, on croirait voir des rats gratter aux pieds des monuments d'Apollodore et de Michel-Ange et faisant à force de ronger des trous dans les pyramides. Aujourd'hui, les nobles romains ruinés par la Révolution se renferment dans leurs palais, vivent avec parcimonie et sont devenus leurs propres gens d'affaires. Quand on a le bonheur, ce qui est fort rare, d'être admis chez eux le soir, on traverse de vastes salles sans meubles, à peine éclairées, le long desquelles des statues antiques blanchissent dans l'épaisseur de l'ombre, comme des fantômes ou des morts exhumés. Au bout de ces salles, le laquais des guenillés qui vous mène vous introduit dans une espèce de gynécée. Autour d'une table sont assises trois ou quatre vieilles ou jeunes femmes mal tenues qui travaillent à la lueur d'une lampe à de petits ouvrages, en échangeant quelques paroles avec un père, un frère, un mari à demi couché, obscurément en retraite, sur des fauteuils déchirés. Il y a pourtant je ne sais quoi de beau, de souverain, qui tient de la haute race, dans cette assemblée retranchée derrière des chefs-d'œuvre, et que vous avez prise d'abord pour un sabbat. L'espèce de sigisbée est finie, quoiqu'il y ait encore des abbés porte-châles et porte-chaufferettes. Par-ci, par-là, un cardinal s'établit encore à demeure chez une femme, comme un canapé. Le népotisme et le scandale des pontifes ne sont plus possibles, comme les rois ne peuvent plus avoir de maîtresses en titre et en honneur. À présent que la politique et les aventures tragiques d'amour ont cessé de remplir la vie des grandes dames romaines, à quoi passent-elles leur temps dans l'intérieur de leur ménage? Il serait curieux de pénétrer au fond de ces mœurs nouvelles. Si je reste à Rome, je m'en occuperai. Je visitais Tivoli le 18 décembre 1803. À cette époque, je disais dans une narration qui fut imprimée alors, « Ce lieu est propre à la réflexion et à la rêverie. Je remonte dans ma vie passée. Je sens le poids du présent. Je cherche à pénétrer mon avenir. Où serai-je, que ferai-je et que serai-je dans 20 ans d'ici ?» 20 ans, cela me semblait un siècle. Je croyais bien habiter ma tombe avant que ce siècle se fût écoulé. Et ce n'est pas moi qui ai passé, c'est le maître du monde et son empire qui ont fui. Presque tous les voyageurs anciens et modernes n'ont vu dans la campagne romaine que ce qu'ils appellent son horreur et sa nudité. Montaigne lui-même, à qui certes l'imagination ne manquait pas, dit « Nous avions loin sur notre main gauche l'Apennin, le prospect du pays malplaisant, bossé, plein de profondes fendasses, le territoire nude, sans arbres, une bonne partie stérile. » Le protestant Milton porte sur la campagne de Rome un regard aussi sec et aussi aride que sa foi. La Lande et le président de Brosse sont aussi aveugles que Milton. On ne retrouve guère que dans le voyage sur la Seine des 6 derniers livres de l'Énéide de M. de Bonstetten, publié à Genève en 1804, un an après ma lettre à M. de Fontane, imprimée dans le Mercure vers la fin de l'année 1803, quelques sentiments vrais de cette admirable solitude encore sont-ils mêlés d'objurgations. Quel plaisir de lire Virgile sous le ciel d'Énée et pour ainsi dire en présence des dieux d'Homère, dit M. de Bonstetten. Quelle solitude profonde dans ces déserts où l'on ne voit que la mer, des bois ruinés, des champs, de grandes prairies, et pas un habitant. Je ne voyais dans une vaste étendue de pays qu'une seule maison, et cette maison était près de moi, sur le sommet de la colline. J'y vais. Elle était sans porte. Je monte un escalier, j'entre dans une espèce de chambre. Un oiseau de proie y avait fait son nid. Je fus quelque temps à une fenêtre de cette maison abandonnée. Je voyais à mes pieds cette côte, au temps de Pline, si riche et si magnifique, maintenant sans cultivateur. Depuis ma description de la campagne romaine, on a passé du dénigrement à l'enthousiasme. Les voyageurs anglais et français qui m'ont suivi ont marqué tous leurs pas de la Storta à Rome par des extases. M. de Tournon, dans ses études statistiques, entre dans la voie d'admiration que j'ai eu le bonheur d'ouvrir. La campagne romaine, dit-il, développe à chaque pas plus distinctement la sérieuse beauté de ses immenses lignes, de ses plans nombreux et son bel encadrement de montagnes. Sa monotone grandeur frappe et élève la pensée. Je n'ai point à mentionner M. Simon, dont le voyage semble une gageure et qui s'est amusé à regarder Rome à l'envers. Je me trouvais à Genève lorsqu'il mourut presque subitement. Fermier, il venait de couper ses foins et de recueillir joyeusement ses premiers grains, et il est allé rejoindre son herbe fauchée et ses moissons abattues. Nous avons quelques lettres des grands paysagistes. Poussin et Claude Lorrain ne disent pas un mot de la campagne romaine. Mais si leur plume se tait, leur pinceau parle. L'agro romano était une source mystérieuse de beauté dans laquelle il puisait en la cachant par une sorte d'avarice de génie et comme par la crainte que le vulgaire ne la profanât. Chose singulière, ce sont des yeux français qui ont le mieux vu la lumière de l'Italie. J'ai revu ma lettre à M. de Fontane sur Rome, écrite il y a 25 ans, et j'avoue que je l'ai trouvée d'une telle exactitude qu'il me serait impossible d'y retrancher ou d'y ajouter un mot. Une compagnie étrangère est venue cet hiver, 1829, proposer le défrichement de la campagne romaine. « Ah, messieurs, grâce de vos cottages et de vos jardins anglais sur le Janicule, si jamais ils devaient enlaidir les friches où le soc de Cincinnatus s'est brisé, sur lesquels toutes les herbes penchent au souffle des siècles, je fuirais Rome pour n'y remettre les pieds de ma vie. Allez traîner ailleurs vos charrues perfectionnées. Ici, la terre ne pousse et ne doit pousser que des tombeaux. Les cardinaux ont fermé l'oreille au calcul des bandes noires accourues pour démolir les débris de Tusculum qu'elles prenaient pour des châteaux d'aristocrates. Elles auraient fait de la chaux avec le marbre des sarcophages de Paul-Émile, comme elles ont fait des gargouilles avec le plomb des cercueils de nos pères. Le sacré collège tient au passé. De plus, il a été prouvé, à la grande confusion des économistes, que la campagne romaine donnait aux propriétaires 5% en pâturage et qu'elle ne rapportait que 1,5% en blé. Ce n'est point par paresse, mais par un intérêt positif que le cultivateur des plaines accorde la préférence à la pastorizia sur le majesi. Le revenu d'un hectare dans le territoire romain est presque égal au revenu de la même mesure dans un des meilleurs départements de la France. Pour se convaincre de cela, il suffit de lire l'ouvrage de Monsignor Nicolai. Je vous ai dit que j'avais éprouvé d'abord de l'ennui au début de mon second voyage à Rome, et que je finis par reprendre aux ruines et au soleil. J'étais encore sous l'influence de ma première impression lorsque, le 3 novembre 1828, je répondis à M. Villemain, « Votre lettre, monsieur, est venue bien à propos dans ma solitude de Rome. Elle a suspendu en moi le mal du pays que j'ai fort. Ce mal n'est autre chose que mes années qui m'ôtent les yeux pour voir comme je voyais autrefois. Mon débris n'est pas assez grand pour se consoler avec celui de Rome. Quand je me promène seul à présent au milieu de tous ces décombres des siècles, ils ne me servent plus que d'échelle pour mesurer le temps. Je remonte dans le passé. Je vois ce que j'ai perdu et le bout de ce court avenir que j'ai devant moi. Je compte toutes les joies qui pourraient me rester. Je n'en trouve aucune. Je m'efforce d'admirer ce que j'admirais et que je n'admire plus. Je rentre chez moi pour subir mes honneurs accablés du sirocco ou percés par la tramontane. Voilà toute ma vie à un tombeau près que je n'ai pas encore eu le courage de visiter. On s'occupe beaucoup de monuments croulants. On les appuie. On les dégage de leurs plantes et de leurs fleurs. Les femmes que j'avais laissées jeunes sont devenues vieilles et les ruines se sont rajeunies. Que voulez-vous qu'on fasse ici? Aussi je vous assure, monsieur, que je n'aspire qu'à rentrer dans ma rue d'enfer pour ne plus en sortir. J'ai rempli envers mon pays et mes amis tous mes engagements. Quand vous serez dans le Conseil d'État avec monsieur Bertin de Vaux, je n'aurai plus rien à demander car vos talents vous auront bientôt porté plus haut. Ma retraite a contribué un peu, j'espère, à la cessation d'une opposition redoutable. Les libertés publiques sont acquises à jamais à la France. Mon sacrifice doit maintenant finir avec mon rôle. Je ne demande rien que de retourner à mon infirmerie. Je n'ai qu'à me louer de ce pays. J'y ai été reçu à merveille. J'ai trouvé un gouvernement plein de tolérance et fort instruit des affaires hors de l'Italie. Mais enfin, rien ne me plaît plus que l'idée de disparaître entièrement de la scène du monde. Il est bon de se faire précéder dans la tombe du silence que l'on y trouvera. Je vous remercie d'avoir bien voulu me parler de vos travaux. Vous ferez un ouvrage digne de vous et qui augmentera votre renommée. Si vous aviez quelques recherches à faire ici, soyez assez bon pour me les indiquer. Une fouille au Vatican pourrait vous fournir des trésors. Hélas, je n'ai que trop vu ce pauvre monsieur Thierry. Je vous assure que je suis poursuivi par son souvenir. Si jeune, si plein de l'amour de son travail et s'en aller, et comme il arrive toujours au vrai mérite, son esprit s'améliorait et la raison prenait chez lui la place du système. J'espère encore un miracle. J'ai écrit pour lui, on ne m'a pas même répondu. J'étais plus heureux pour vous, et une lettre de M. de Martignac me fait enfin espérer que justice, bien que tardive et incomplète, vous sera faite. Je ne vis plus, monsieur, que pour mes amis. Vous me permettrez de vous mettre au nombre de ceux qui me restent. Je demeure, monsieur, avec autant de sincérité que d'admiration, votre plus dévoué serviteur. Chateaubriand. À Madame Récamier, Rome, samedi 8 novembre 1828. Monsieur de La Ferronnays m'apprend la reddition de Varna, que je savais. Je crois vous avoir dit autrefois que toute la question me semblait dans la chute de cette place, et que le Grand-Turc ne songerait à la paix que quand les Russes auraient fait ce qu'ils n'avaient pas fait dans leur guerre précédente. Nos journaux ont été bien misérablement turcs dans ces derniers temps. Comment ont-ils pu jamais oublier la noble cause de la Grèce et tomber en admiration devant des barbares qui répandent sur la patrie des grands hommes et la plus belle partie de l'Europe, l'esclavage et la peste? Voilà comme nous sommes, nous autres Français. Un peu de mécontentement personnel nous fait oublier nos principes et les sentiments les plus généreux. Les Turcs battus me feront peut-être quelque pitié. Les Turcs vainqueurs me feraient horreur. Voilà mon ami, monsieur de La Ferronnays, resté au pouvoir. Je me flatte que ma détermination de le suivre a éloigné les concurrents à son portefeuille. Mais enfin, il faudra que je sorte d'ici. Je n'aspire plus qu'à rentrer dans ma solitude et à quitter la carrière politique. J'ai soif d'indépendance pour mes dernières années. Les générations nouvelles sont élevées. Elles trouveront établies les libertés publiques pour lesquelles j'ai tant combattu. Qu'elles s'emparent donc, mais qu'elles ne m'usent pas de mon héritage et que j'aille mourir en paix auprès de vous. Je suis allé avant-hier me promener à la Villa Pamphili, la belle solitude. Rome, ce samedi 15 novembre. Il y a eu un premier bal chez Torlonia. J'y ai rencontré tous les Anglais de la terre. Je me croyais encore ambassadeur à Londres. Les Anglaises ont l'air de figurantes engagées pour danser l'hiver à Paris, à Milan, à Rome, à Naples, et qui retournent à Londres après leur engagement expiré au printemps. Les sautillements sur les ruines du Capitole, les mœurs uniformes que la grande société porte partout, sont des choses bien étranges. Si j'avais encore la ressource de me sauver dans les déserts de Rome. Ce qu'il y a de vraiment déplorable ici, ce qui jure avec la nature des lieux, c'est cette multitude d'insipides anglaises et de frivoles dandises qui, se tenant enchaînées par les bras comme des chauves-souris par les ailes, promènent leur bizarrerie, leur ennui, leur insolence dans vos fêtes et s'établissent chez vous comme à l'auberge. Cette grande Bretagne vagabonde et déhanchée, dans les solennités publiques, saute sur vos places et boxe avec vous pour vous en chasser. Tout le jour, elle avale à la hâte les tableaux et les ruines et vient avaler en vous faisant beaucoup d'honneur les gâteaux et les glaces de vos soirées. Je ne sais pas comment un ambassadeur peut souffrir ses hôtes grossiers et ne les fait pas consigner à sa porte. Fin de la section 38.